Attention! Et qu'a failli avec passion, li au moins tu n'y raison. Il n'y pas mis pour bail manger, il n'y loyer pour payer, pas même ni temps pour pépaler. Léon tu vous y t'attendez. Il faillait faire passion parce qu'il tenait en raison. Tête à blanc et vestiment, pas profond ni échivé blanc. Léon, c'est un vieux maçon qui j'ai travaillé.